Écoutez mon histoire, jeune homme qui a voyagé, toujours dans la mémoire, priez l'éternité. C'est auprès de mon père, je prendrai mon dîner, mais ne quand on est plein de vie, qu'on est grand et fort. Souvent, t'sais, on se dit qu'on est bien loin de la mort. La mort peut apparaître sans que vous l'attendiez, avec sa main. Pourrait-elle vous frapper? C'était au mois d'octobre à Saint-Joseph d'Allemagne. Malgré que ma vie est sombre, elle doit se finir là. Je pacte mes bagages. Voilà que je vous quitte aujourd'hui pour longtemps. Quand on revient de ville, on se sent grand et fort. Alors l'on se rit d'avoir peur. L'espoir revient de l'être, à nous de le conserver, repousser et promettre, voilà la liberté. Bonsoir. Bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Très heureux de vous retrouver ce soir, puisque nous franchissons encore un nouveau mois. Encore, puisqu'à chaque 30, 32, 31, 28, ça dépend. Ça dépend. Et on franchit souvent ensemble des espaces, des moments, des collisions qui nous ramènent et qui nous dispersent pour enfin, ensemble, nous joindre à la même sonorité. Répète. Pépite à stomine. Répète un peu. Mets des comptes. Répète à stomine. Moi c'est une chanson mélancolique. Il y a plusieurs versions de celle-là. Hein. Donc, la mienne est aussi valable que celle de Daniel Boucher et de son acolyte. Et très bien. Son acolyte, là, il s'appelle... Acolyte. Acolyte. Là, il a commencé son enfant, suit sa acolyte, lui. Oh, mon Dieu! Tu te rappelles, mon Gaétan? On lui tapait dans le dos, on le disait, mon petit champion. Vas-y, mon petit champion, vas-y, vas-y. Vas-y, laisse-le aller, le méchant. Lui, il dit, où c'est le méchant, où c'est le méchant? Il y avait 2 mois, il disait, où c'est le méchant? C'était déjà un poète avant le temps. Bon, il cherchait les méchants. Et moi, je me suis dit, cet être. Un être, mais cet être-là. Mais il y en a juste un, il n'y en a pas sept. Cet être-là, OK? Un être, c'est celui-là. Ça n'ira sans doute dans le cinéma il fera des westerns. Je le sens, je le sens. Parce que lorsqu'il me le regarde, hein, à la naissance, il m'a regardé, les petits yeux plissés, au loin, hagard. Et là, qu'est-ce qu'il voit que je vois pas, lui, là? Puis là, mon infirmière privée, parce que moi, j'ai des infirmières privées. Pas de docteur, juste des infirmières. Pourquoi? Mais ben, les infirmières, déjà là, c'est moins drastique. Hein? Ça ne dit pas, on peut arriver avec un diagnostic très, très fatal. Mais normalement, elles savent enrober. Tandis que le médecin, t'as le cancer. Ah oui, va, t'as le cancer, un autre. On va ouvrir un autre dossier. Lui, il va crever dans quoi? Dans 2 mois et demi? Prendre un petit pas d'eau. Là. Madame Thibodeau nous a appelé avant-hier, puis elle cherche son médecin de famille. Elle cherche, elle le trouve pas, là. Elle a regardé entre les livres du Riders d'Arties. Elle collectionne les Riders d'Arties. Non, mais elle aime ça, les Riders d'Arties. Avant ça, c'était l'almanach du peuple. Et monsieur qui collectionne, avez-vous vu sur eBay l'almanach du peuple 1983? On annonçait déjà là une émission irrévérencieuse. Même l'Almana ne savait pas ce que ça voulait dire, irrévérencieux. Là, ils ont ouvert les dictionnaires, l'épais, là. Le Robert, le plus épais, là. Celui qui ronronne. Il ronchonne. Le chat ronronne, lui, il ronchonne. Robert, t'as-tu vu mon nom? Robert, dictionnaire, c'est moi, là. Hey, tous les Robert s'imaginent qu'ils viennent du dictionnaire. Ils viennent dans le dictionnaire. Oh, voyons, non, ben oui. Faut pas avoir peur des. Tu sais, les petites pages collées, là. Hein, Robert, le petit pas. Bon. Oui. Sur le. Exactement, le S. S-E. S-E-X. Hein? S-E-X. On va pas plus loin. Hein? C'est tout collé. Et surtout, Anna a gagné, rentre Canadien, non, c'est pas celle-là. Non, on n'est pas dans le dictionnaire encore. C'est KRL était. Hey, on se demande encore, là. Ah, c'est excitant. Et moi, là, regarde, je suis comme un prépubère, là. Souvent, je suis comme un... Surtout à cette heure-ci. Je sais pas pourquoi, là, je cherche ma fourche. Je cherche mon puits. Je suis le diapason. Part en deuxième. On va gagner. Non, mais... Croyez-vous qu'en 2015, là, ça sera pas... Hey, c'est pas dans 2 ans, 2015, dans quelques mois, là. Croyez-vous que dans le dictionnaire, Robert, CKRL, sera à l'intérieur de ce bouquin? OK. Peut-être pas. Non, mais bon, je vois Tania là, qui pleure. Mais Tania, sèche tes pleurs. Mais non, tu fais un excellent travail. Directrice de la programmation, on l'applaudit. Bravo. Quel beau. Non, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Souvent sous silence. Et sous des cris, il n'y a personne qui va venir faire une mise en ordre. Ben oui, Tania, il y a toujours quelqu'un. Au pire, il y a Robocop là, qui est là. Bon, bravo. Bravo, Tania. Mais, Danny, le producteur, celui qui se cache dans. Non, mais qui se loge. Qui se loge dans le coffre-fort de CKRL. Bravo. Un homme en or. Il y avait les femmes en or, lui, c'est l'homme en or. Ah, oh, le louange. Ayez, monsieur, Danny Fortel, Danny, on le loue, monsieur. Ok, c'est terminé parce que je sais qu'il y a peut-être des sueurs froides. Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Rien de mal, mon Danny, rien de mal parce que tu es un être extraordinaire. Je vous l'ai dit lors du Radio-Ton, hein, cette année, je me promenais avec mon Tascam. Bon, non, je viens de dire d'une pub, en tout cas. Trois quarts du monde n'a pas les moyens financiers de s'en acheter un. Enfin, avec mon magnéto, j'essayais de le dérégler, comme l'animateur, là. Voyons, c'est quoi la touche chuffule déréglage? Là, je trouvais pas. J'étais en soeur. Il restait 3 minutes, puis il y avait une petite chanson d'Evé Meta. C'était l'émission Fantasmagorique. Et là, les platines chauffaient, le studio chauffait, Renan chauffait, tout le monde chauffait. Puis là, la main de Danny est arrivée sur le dos, signe de réconfort en me disant, moi, Renald Gagné, ce signe, cette façon de faire, en disait long. De l'humanisme qui m'a encore aujourd'hui fracassé l'esprit, et je le remercie encore une fois. Parce que bon, je vivais des trucs, là. J'avais divorcé avec ma guimauve. En fait, je l'avais placé au feu, je l'ai oublié, je me suis endormi. J'avais pris trois, quatre ficelants, dissolants, micellants, ricellants, diosellants. Hein? C'était ruisselant, mais ça bouillait, ça sentait le brûler. Je voulais la marier la veille, là. Oh mon Dieu. Heureusement qu'il y avait un sac de 12. Je les essayais, hein? Laquelle brûlera pas? Quoique, puis là, bien sûr, je garde mon chien Perrier. Hein? Perrier. Non, c'est pas le nom, le Fuck en Alaska. Non. Le Fuck Perrier. En tout cas, c'est une marque de chien, là. C'est comme les voitures. Il y a des marques de chiens. Moi, le concessionnaire de chiens m'a dit, prends celui-là. Celui-là, il est tranquille. Là, il dort. Il ressemble. Mais non, tu vas me dire comme ça. Il est stagnant. Allô, tu stagnant? As-tu le Robert? Stagnant. C'est une rue, ça, là. Faut-tu aller chercher le chien là-bas? Non, il est stagnant. C'était mon doux. Je connais mon steak saignant, là, mais stagnant. Là, je m'excitais. Là, ben voyons donc, je connais pas ça. J'ai quand même une formation, là, en incrédulité, puis en malformation intellectuelle. Là, mon doux, stagnant. J'ai prié. Wesene, ma Seigne. Oui, debout, la rue Stagna, mes cuits. Ok, bouge pas. Bon. Là, c'est quand même assez bizarre, un chien qui bouge pas, là. Puis je vois à travers son petit œil, il y a comme une ouate. Une sorte de coton-tige. Pas un vrai chien, cette affaire-là, là. C'est un empaillé. Non, moi, j'ai l'air d'un endoyé, un encoyé, un emmaillé. Gaston, Gaston Miron. Un rapaillé. J'ai l'air de rap. Merci, Gaston. Mais lui, il a toujours mon mot juste. Mon mot juste, lâche-moi ça, toi, là. Va-t'en. Je te souhaite de tomber dans ton hexagone, de chercher. Ça, c'est important, là. De chercher la sortie comme dans une pyramide. Avez-vous déjà trouvé un vendredi soir, 2h du matin, après l'émission de Renald Gagné, Errance Rénaldienne, celle que vous écoutez, malheureusement, puisque on a bloqué toutes les autres stations. On est capable de faire ça, nous autres. On capte les autres stratosphères, puis on les bloque. On est capable de bloquer ça, c'est facile. 2014, on peut tout bloquer. Bon, alors, on cherche aussi à bloquer l'autre partie pour devenir un jour indépendant, là, mais ça s'en vient. On cherche, on va trouver. Il y a Ticu Baudouin qui est dans sa machine, là, parce que lui, s'il dit, faut que je me trouve à la hauteur de mon instrument. Il est comme ça, lui. Il y a eu trois femmes, puis oh mon Dieu, c'est une autre histoire, ça. Là. Puis là, il s'est inventé un ordinateur pour qu'il puisse pénétrer, puis il aime ça le mouvement, pénétrer à l'intérieur pour toucher, toucher les gigaoctets, toucher les chips, les USB, les HDMI, alcool de HD, là. HDMI, les fils. Pas les films, les fils, HDMI, HDMI, en tout cas, je connais. C'est à chercher son train pour quelque part. Là. Mais, non, c'est nul. Oui, vous n'avez pas con. Ben, c'est un lien de chant. On prend toujours un train pour quelque part. Hein, la connaissez, ça? Un grand train bleu, un petit train blanc, un beau train noir. C'est quoi ça? C'est la collaboration intellectuelle avec Ticu Baudouin qui m'a soufflé dans le train noir cette phrase pour que je puisse vous la divulguer à mon tour, double tour. Alors non, mais ce soir, on est heureux de vous... C'est quoi, c'est une introduction, ça? Non, c'est une recherche vers l'absolu. Ah, mon Dieu. Et là, en plus, on a plein de textes à dire. Les gens vont être risquent d'être décousus. Et on essaie de me caser lors des événements de gala ou je sais pas, ouais, c'est ça, des remises. Il faut bien trouver quelque chose. Là. Au début, c'était l'émission éclectique, puis ça fonctionnait bien. J'étais à la hauteur, tu sais... Mon cursus, non, comment t'appelles ça? Ma carte du ciel était au zénith. Les deux premières années. Deux premières années d'errance grenadienne, là. On votait pour moi, on m'aimait, on m'embrassait, on me serrait dans la rue. Puis aujourd'hui, ben, on m'appuie, on dit, continue quand même. Continue quand même. Non, non, mais tu n'es que l'ombre de danser. C'est quand même, l'ombre, c'est mieux. Londres aussi, hein, mais il pleut. Alors, tu sais, t'es à Londres, mais dans l'ombre. Et j'ai un mal de tête là-dessus, là. J'ai divorcé trois fois, j'ai renvoyé mon chèque. Oh oui, j'ai dit au gouvernement fédéral, parce que j'y parle de même, oui. Gouvernement fédéral, j'ai appelé, OK. Alors, avez-vous le téléphone, madame? OK. Alors, j'ai appelé au gouvernement fédéral. Monsieur... Oui. Monsieur ou madame? Oui. Oh, mon Dieu. C'est une machine. Êtes-vous une machine? Oui. Êtes-vous à l'intérieur comme l'autre, là? Oui. Oh, il est à l'intérieur, s'il vous plaît. Vous êtes? Oui. Oh, vous êtes. Hey, gouvernement fédéral. Oui. Là, on va vous expliquer une petite affaire rapidement, là. Vous êtes pressé, hein? Oui. Vous êtes à votre pause de 2h15, là? Oui. Qui va durer jusqu'à 5h30. Oui. Des clichés, les gens s'imaginent ça, c'est pas vrai. Ça travaille fort, ce monde-là, là. Ça sue du crayon, là. Mmh. Là, ça regarde son chèque de paie, vous êtes-tu jamais payé à mon insuffisance, là? Voyons donc, faudrait qu'on me rajoute quelques zéros, là, pour m'évaluer à mon état pur. Surtout au fédéral, et passeport, je suis allé au passeport. J'ai rien à dire contre ça. J'avais le PV-811. Et quand je me suis écrasé sur le sol, parce que je me suis évanoui, on était au 806. Là, il y avait un petit bébé en avant avec sa maman. Une belle maman, une sublime maman. Là, je me dis, moi, je mise toujours les mamans, mais il faut passer par les bébés, toujours pour attendre les mamans. Un petit truc en passant, là, monsieur, messieurs. Vous cherchez la copine idéale. Cherchez la monoparentale. C'est la meilleure. Celle qui connaît son homme. Donc là, j'étais... Moi, je suis prêt à tout, là. Hein? Partout, je suis prêt à tout, partout. Donc, j'étais jonché sur le sol. Le petit bébé voulait m'arracher mon dentier. C'était merveilleux. Quoi, je faisais... Non, je faisais pas, mais je faisais de l'épilepsie rénaldienne. Que je simulais l'homme épileptique en disant « Je suis épileptique, je suis épileptique. » Ça faisait trop musical. Là, le trombone s'est embarqué là-dedans, la guitare, le ukulélé. Ah, un solo ukulélé de 2h30 avec Timothée Dalduin. Ukulélé électrique. C'est sûr, hein? Ukulélé électrique. Ne jamais mettre de la colle avant. Ukulélé. Et la petite fille s'amusait. Là, la mère, hein, arrive sur moi, non pas pour me sauver, mais pour sortir sa fille de ce marasme. Et moi, je souris, j'y souris. Pas de dentier. Oh, elle s'est dit, oh, faut le sauver. Là, c'est rendu à mon tour. Alors, moi, je vois le 11, hein, le casier 11, donc la case 11, endroit où je dois me présenter. Je m'y rends. Et là, j'entends une jeune fille dire « Bureau 12! Hey, » J'étais même pas au bon numéro. « Hey, je me déplaçais. C'est moi. Hey, vous êtes là! » Là, elle me regarde, elle regarde à terre. « Oh, mon Dieu! » Il y a quelque chose qui se passe, là. Ça sent la fin. J'aurais pas mon passeport. Je pourrais pas aller à Paris. Rencontrer mes artistes, mes amoureuses, mes belles chéries. Mais enfin, la jeune fille très sympathique, sublime, belle, les ongles peints en rose. Le savait-elle, elle, que le rose était une couleur pour moi, comme les roses, comme les autres, sans trop d'intérêt, mais sur elle. Oh! Ah! Là, j'avais deux paires de photos à lui présenter. Là, je lui dis, regardez, ça, c'est ma première paire, ça, c'est ma deuxième paire. La différence est celle-ci. Celle-là. C'est que celle-là est en plan un peu plus éloigné. Je fais de la photographie, madame. J'en fais. Je fais des nus. Je tombe des nus, oui, souvent. Oui, des feuilles nues, des arbres nus, de la neige nue, du soleil nu. Nu n'est prophète que dans son pays, madame. Moi, je m'en vais à Paris pour avoir un grand succès. Ici, je suis une espèce de pas connu, moi, là. Et hey, là-bas, là, sur les abaisses, là, on m'embrasse, on m'abaisse. Comme à Québec. Non, mais c'est la même chose. On m'abaisse partout. Non, mais je le sais, moi, là. Déjà, là, je suis pas déconcentré, là. Quand je roule avec ma... quoi? Ma bécane. Quand je roule sur ma bécane, je sais, déjà là. Je sais pas quoi, mais je sais que je sais. Faut être averti de savoir quand on se croit. Hein? Attends un peu. Non, c'est très important. C'est très important ce qu'on va dire, là. Madame Thibodeau, ouvrez vos oreillettes à la page 83. Ah, mon, page 83, ça, c'est avant 83, avant 82, puis après 80. Et moi, j'ai 84. Mais c'est ça, après 84. Ah, mon, j'ai le bel âge. Hein? Oh, oui. Vous avez l'âge, madame, d'avoir le plaisir de vous souvenir. Ça, c'est quand même un grand privilège. Alors, donc là, on voulait dire des trucs, des textes que j'avais écrits. Allons-nous pouvoir... Rapidement, on va en balancer quelques-uns. Puis, nous irons au bloc et j'inviterai mon invité. Puis, ce sera comme ça, OK? Amalgamer l'amour et la passion pour voir surgir juste ce zeste qui ne reste pas de marbre devant cette orchestration à la mélodie distrayante que l'on appelle l'érotisme. Comment s'imprime le code de fraîcheur sur les œufs au Québec? Les gens se posent la question, hein? On savait des œufs, des petits œufs, moyens œufs, gros œufs. Vous avez des gros œufs, monsieur Montbain? Prenez-vous une douche? Non, OK. Alors, hein, pardon? Il prend une piscine. Ah, mon Dieu, dans chaque œil. Hein? Moi, c'est trois gouttes dans le nénuphar. Là. C'est des gouttes allergétiques. Énergétiques. Moi, je m'énergise le regard. Ah, mon, ça regarde partout. Oh, puis des fois, c'est à travers tout. À travers la complexité des mots, la complexité de l'être. Quelqu'un rentre, je sais ce qu'il veut. Non, madame, je ne suis pas un homme ainsi. Quoique je ne suis même pas un homme, moi. Je suis un garçon. Comment s'imprime le code de fraîcheur sur les œufs au Québec? À chaque jour, on modifie la date à l'orée du trou de pète des putes, des poules. Hey, trop de relations avec des poules, là, ça m'en... Alors, à l'orée du trou de pète des poules. Avez-vous compris, madame? On commence, OK. À chaque jour, on modifie la date à l'orée du trou de pète des poules. Le matin, avant même la première pondaison. Pour tous les fermiers là, de Limoilou, du Vieux-Québec, Dame Queen, Magog, de Valleyfield, de Chache-Cache, Popoune du Vieux-Québec qui entache le passé historique. Pas de fausses coliques fallacieuses, précieuses, ridicules, désarticulées par l'argent que vous ne possédez pas et un crédit qui disparaît aussitôt par manque de capitaux. On tolère vos bouffonneries, seul en piste, puisque sans le savoir, vous divertissez les touristes. Ma petite vendeuse, étirée de beauté, au regard né, pour semer la désinvolture amoureuse, surimpressionne ma poésie pour qu'un jour une personne puisse te reconnaître ainsi. On y va directement avec l'artiste, puis on va relire des textes plus tard pendant l'émission. Errance rénaldienne, ne consultez pas votre conjoint, puisque c'est ici que ça se passe. Aujourd'hui, comment ça consulter? Ben oui, pour dire, hey, qu'est-ce qu'on fait? On arrête ça là, continuez, c'est comme ça. Aujourd'hui, le vendredi 1er août 2014, ma bouche s'empare de mes mots. Les errances rénaldiennes, j'ai eu peur, je savais même pas ce que j'allais dire. L'errance présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la chanteuse, compositrice et interprète Lydia Martinicchio. Lydia Martinicchio. C'est une artiste en herbe. On va en faire une chanteuse de celle-là. Un père italien, une mère franco-italienne, Linda baigne dès son plus jeune âge dans la musique, cours de danse, de claquettes, de chant et surtout de piano, qui deviendra son instrument fétiche. Linda enchaîne les concours, les auditions, les concerts et très vite accompagne des prestigieux artistes en tournée en France et au Québec. Jean-Paul Cassarelli et Bernard Arcadio lui ouvrent les portes des studios. Elle partage la scène avec différents artistes comme Billy Spinto et Sacha Distel. En Italie, Linda partage l'écriture et l'interprétation de musique en spectacle Della Brentia avec Ede Napoli et Lucio Dalla. Elle compose également des génériques TV pour la France et l'Italie. En 2000, Linda rencontre Henri Salvador. C'est à la sortie de l'album Chambre en vue que Linda est appelée pour accompagner à l'album Chambre en vue, accompagné au clavier Henri Salvador. On recommence. Linda rencontre Henri Salvador. C'est à la sortie de l'album Chambre en vue que Linda est appelée pour accompagner au clavier Henri Salvador lors de ses tournées mondiales. Très vite, une complicité naît entre eux et leur amitié durera jusqu'au bout. Henri Salvador lui demandera de lui écrire des chansons. Linda lui en offrira une dizaine. En juillet 2013, Errance rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette sublime artiste. Un voyage chargé pour ses nuits printanières. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui, enchantons-nous dans cet enchaînement musical. Lorsque tu retires devant mon regard qui s'étire un 20$ de ton soutien-gorge, le billet soudainement s'engorge de ta fine odeur. L'heure m'invite, après ton passage, à humer mélancoliquement la trace de ta présence. Gardez vos reçus! Lorsque vous serez malade, apportez avec vous ces petits bouts de papier et dites à la dame qui vous accueillera à la réception. À la réception. Regardez, j'ai tout pris ça dans ma vie. Que m'arrivera-t-il? Vais-je mourir rapidement? Où sont les toilettes? J'ai un mal de vivre dans le bas du ventre, puis il me semble que ça travaille. Raymond, rappelle-moi de t'aimer à 3h15, après que Simon, mon Simon, m'aura lavé mon dentier. J'ajette ton amour au kilo comme à la livre. Délivre-moi ton corps pour que je puisse l'embrasser afin d'atteindre la tarte à matin du lundi jusqu'au mardi matin. Puis après ça, bon, elle passe au-dessus de moi comme l'hirondelle. Toi, ma belle hirondelle de mon quartier. Il n'y a pas de savonnette, Caroline. On a-tu arrêté ça, là? C'est quoi la papa? La belle hirondelle de mon quartier. Où tu t'en vas quand tu repars, rêver comme ça. J'achète deux corps de livres d'amour, non. J'achète ton amour au kilo comme à la livre. Délivre-moi ton corps pour que je puisse t'embrasser afin d'atteindre ton empire ou pire encore, le royaume de tes fantasmes. Le jour où l'on te placera, je quitterai moi aussi. Je ne veux rien qui me ramène à nous. La souffrance doit cesser. Les souvenirs resteront, ronronnant de plénitude, devant cette beauté avant la tempête. Je te prête ce soir un peu de ma mémoire qui nous permettra de se rendre au firmament, ma pauvre et tendre maman. Si vous saviez, vous me cherchiez. Si vous saviez que les bœufs se ramassent au mois de mai, devant la plénitude de ma belle Rita, à volonté. Oui, mais ce soir, tu verras que l'animal ne se dresse pas. Tu verras que... Non, c'est pas ça. On y va. Sérieusement, on y va. Si. C'est bon, ça? Si. Si, maman. Maman, si tu voyais ma vie. Je pleure comme je... Si vous saviez... Vous ne chercheriez plus à comprendre. Les saisons passent. L'angoisse parvient à s'agripper au temps. Les malentendus s'en mêlent. Puis, les nuits se déchirent comme une violente inflammation. Cette flamme qui brûle le décor de notre existence. Il nous reste le délire pour le dire encore, mais autrement. On n'a pas compris grand-chose. Si tu veux le répéter. Répéter après moi. Après moi. OK, on y va. Si vous saviez, vous ne chercheriez plus à comprendre. OK. Saint-Totone Express, take one, on en fait une coupe. Micho est monté dans un grand pommier. La branche a cassé. Micho est tombé. Où donc est Micho? Micho est en bas. Micho, c'est Micho. Micho est sur le dos. Oh, relève. Oh, relève, Micho. Ton bicycle est cassé, pis que ta mère est ben macho, pis qu'en en met trop. Viens donc à relève à Michaud. Si t'as grimpé dans le pommier, pis que la branche a cassé haut, t'es tombé sur le dos. Viens donc à relève à Michaud. C'est une place ben écartée, car où ça la vallée. C'est à sortie 149. Autoroute 30 vers Sorel, dans le bout de Verchères, tu tournes à droite, tu pognes le champ, pis c'est juste là. C'est là la relève à Michaud. Pam pam. Michaud, mes frères, du moment que ça se bouille. C'est moi, Yves Michaud. Je vous invite cordialement chez nous à la relève. We'll be right back.

cette flamme qui brûle le décor de notre existence. La folie, il nous reste. La folie, il nous reste le délire, pour le dire encore, mais autrement. On n'a pas compris grand-chose. Si tu veux le répéter. Répétez après moi. Après moi. OK, on y va. Si vous saviez, vous ne chercheriez plus à comprendre. Les saisons passent, l'angoisse parvient à s'agripper au temps, les malentendus s'en mêlent, puis les nuits se déchirent comme une violente inflammation, cette flamme qui brûle le décor de notre existence. La folie, il nous reste le délire pour le dire encore, mais autrement. Lors de mon enfance, je me questionnais constamment. Qu'est-ce que je fais ici? Aujourd'hui, c'était beau, c'était... Les gens le croyaient, mon petit champion. Répète-le-moi, s'il te plaît. Dessine-moi un bourbon. Un bourbon? Non, un bouton. Un bouton? Un mouton. Ah, ça a été déjà dit, ça. Moi, j'ai ta place, là, pour être original. Dessine-moi un bourdon. Oh, j'ai une idée, oui. Dessine-moi un bourdon. OK. Là, ils copient, comme tous les enfants, ils sont quand même remplis d'imaginaire. Mais souvent... Lors de mon... En fait, les adultes font rien d'autre que copier ce qu'ils amènent comme nouvelle essence, nouveau vent, nouvelle... C'est ça, nouveau chemin. Lors de mon enfance, je me questionnais constamment. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici? Aujourd'hui, bien des années plus tard, je me pose encore cette même réflexion. When love comes in and takes you for a spin, oh la la la, c'est magnifique. When every night your loved one holds you tight, oh la la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away, oh la la la, it is so tragic. But when once more he whispers je t'adore, c'est magnifique. Magnifique. La la la la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away, oh la la la, il est so tragic. But when once more he whispers je t'adore, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. J'adore, j'adore. Ouh, là, là. La main mise sur la photo. La exactement. On va faire voter pour la photo. On fait voter pour les chansons. On fait, voilà. Je pense que je vais les faire venir chanter avec moi un titre bien particulier sur un refrain de fin. Où j'ai besoin de masse et tout ça. Donc okay. Tout le monde soit là sur le clip et tout ça. Ils font les cœurs. Exactement. Ah, oh, c'est bien. Ça serait quelle audace. Oui. Quelle audace. Mais, c'est rigolo. Déjà là, les gens qui sont outre-mer vont pouvoir voter, mais ils n'iront pas chanter. Après, j'espère pouvoir rencontrer tous les gens, en fait. Ouais. Si j'ai l'occasion de venir, s'il y en a qui décident de surveiller ce projet de loin, que ce soit Montréal ou même Italie, j'espère pouvoir me déplacer et venir les rencontrer. Alors amener un petit magnéto et faire les exactement. Gants, et à la fin, j'espère pouvoir le faire. Ah, c'est bien ça. Oui, parce que ça, se déplacer, c'est pas tellement un problème. Quand il y a que moi à déplacer, il n'y a pas de souci, quoi. Ah, ouais. Je me déplace à la rencontre de tout le monde. Ah, quelle belle idée. Oui, c'est ça. Belle idée. C'est rigolo. En 2013, hein, on dit qu'il y a un problème avec le disque, mais avec cette avenue-là, c'est. On verra bien, sauf que voilà, on est sur une histoire. Une histoire de copains et de communauté, de convivialité à l'italienne, en fait, tu vois. Je veux garder ça, je veux pas du tout faire juste l'artiste dans son coin qui se prend une tête comme ça, il n'en est pas question. Tu veux être artiste accessible. Exactement, tout à fait. Et pareil pour le concert, on a fait un concert l'année dernière au Palace, qui est une grande salle parisienne. Ça a été complet, ça s'est super bien passé, tout ça de bouche à oreille, tu vois. Et là, je pense qu'en fonction de ce qui va se passer avec cette aventure, on va refaire soit un Palace, soit un Casino de Paris. Ouais, et on va voir un petit peu comment. Mais j'aime bien le Palace, moi, parce que les gens sont bien installés. Je pense que c'est des beaux sièges. C'est super confort, ce qui n'est pas forcément le cas du casino. Ça vieillit un peu le casino. Ouais, et puis c'est pas forcément bien placé en face un peu. Mais non, Palace, vrai. Et puis je suis chez moi au Palace. Je connais bien l'équipe. C'est une très belle salle. Donc, tu prépares ton deuxième album. Le premier album, c'est beaucoup plus simple, puisque là, tu as beaucoup de matériel. Oui. Ah, c'est vrai. Le deuxième, là, c'est. Tu recommences donc les vierges, tu attends les. Mais aussi, suite aux rencontres du premier, tu peux proposer à d'autres exactement. Là, je suis. J'avais déjà dans l'idée, à la fin du premier, j'avais déjà l'idée du squelette du second, si toutefois un second devait arriver. Il s'avère que je n'avais pas forcément envisagé le second, là, maintenant, tout de suite à la rentrée, mais plutôt. Un petit peu plus tard, le temps de développer celui-là sur l'Italie et tout ça, mais on fait tout en même temps. Et finalement, le fait de rencontrer ma mère en compagnie, de rencontrer toute cette équipe, a fait que ça s'est dessiné vraiment plus clairement avec cet esprit convivial, avec des chansons bien précises qui vont être mélangées entre reprises de chansons que les gens connaissent très bien, mais à ma sauce, pas de reprises, pas karaoké. Et des chansons complètement inédites qui sont très, très personnelles. On va revenir au deuxième album, mais toi, ta vie a été, après tes cours classiques, que des rencontres. Oui, que ça. En fait, au départ, je voulais pas faire de piano, moi. Au départ, je faisais de la danse, j'étais complètement dans la danse, et mes études, moi, je voulais faire médecine. Donc, ça n'a rien à voir. As-tu débuté quelque chose en médecine, non? Non, pas du tout. Donc, du coup, je me suis dirigée. Mes amis sont la plupart du temps tous des médecins. Mais... Oh, alors, t'es bien soignée. Je suis très bien soignée. Regarde. Ah, oui. Tu vois cette énergie? Oui, le côté zen aussi. Exactement. Ouais. C'est marrant, tout le monde me dit ça. Oui, malgré l'énergie, t'es zen. C'est vrai. Oui, c'est ça. Et tous les gens qui ont des problèmes viennent me voir moi en me disant c'est vrai? Qu'est-ce que je peux faire? Bon alors, bouge pas. C'est drôle. Je vais t'en régler des corps. C'est drôle, c'est ça, c'est rigolo. Hein. Et en fait, j'ai fait du piano. J'ai une famille qui est assez sévère quand même, parce que ce sont des Siciliens, donc ça rigole pas du tout. Non. Donc quand j'ai commencé le piano, ma mère m'a dit, bon d'accord, mais tu vas aller jusqu'au bout de tes études, ok? Donc j'ai fait mes études de piano, mon bac, des études supérieures aussi, mais qu'elles étaient plus cinématographiques. Ah oui! Je suis restée dans l'art, et après, voilà, ce sont les rencontres, en fait, je sais pas comment t'expliquer, c'est la vie qui a envie de t'emmener là, quoi. Mais qui est venu te chercher? Est-ce que tu peux quand même... Je sais pas, écoute, c'est... Henri Salvador. Henri Salvador, c'était un petit peu plus tard, mais moi, quand j'ai commencé à travailler, à côtoyer la famille Ceccarelli, je me suis retrouvée sur des séances, des musiques pour la télévision, des choses différentes. J'ai travaillé avec Sacha Distel, pas mal aussi. Avant, c'est quelle année, Distel? Distel, c'est avant Henri, donc ça doit être 95, 96, dans ces eaux-là. Donc j'ai bossé avec Sacha, il m'a invité à chanter avec lui quand il faisait ses concerts, on est devenus super copains. Et après, tac, j'ai enchaîné avec Salvador. En fait, ce qui s'est passé avec Henri, c'est que comme je bossais avec toute cette clique de copains des Ceccarelli au Bernard Arcadio, je sais pas si vous connaissez, mais Bernard qui est mon parrain de métier, mais qui est mon frère, enfin c'est mon grand frère, tu vois. Mon père, devrais-je dire, s'il m'entendait, il me frappe pas. Il est presque là. Il est presque là, on va l'appeler. Mais Bernard, c'est quelqu'un qui a fait de moi ce que je suis vraiment. Ça a été le parrain qui m'a emmené. Dès qu'il y avait Arcadio, tac, il m'emmenait, il me présentait à tout le monde. Et en fait, Salvador, quand il a commencé à travailler sur Chambre avec vue, son grand succès, évidemment, c'est comme tous les artistes, tu fais une vingtaine de chansons. C'était un retour aussi pour lui. Là. Oui, bien sûr, tu mets pas les 20 chansons sur l'album, mais tu fais. Ouais. Et moi, j'ai fait partie de cette équipe qui a fait, et on s'est retrouvés en studio pour faire différentes chansons. Et quand il est arrivé vers moi la première fois, il a voulu me toucher les seins. Pourquoi ? Pour vérifier ? Henri, Salvador, toute sa splendeur, est arrivé en disant « Poète, ah, oh, là, oui, oui. Non, c'est pas... Dis, chez moi, on dit « si guarda, ma non si tocca ». Donc, on regarde, on ne touche pas. Donc, ma main dans votre tête, ça va être dans 2 minutes. Oui, ok. Et voilà. Et là, il m'a regardé, il m'a tiré le pull pendant toute la séance. Oh, foutez-moi la paix. Et en fait, quand est arrivée la tournée, le spectacle, le Palais des Congrès, l'Olympia et tout ça pour Chambre avec vous, on lui a dit « il faudrait une femme au clavier ». Au piano, et on pense à Martinico, elle a dit oui tout de suite, en disant je vais pouvoir m'excuser de mon comportement. Et on est devenus les plus grands amis du monde, et c'est devenu ma seconde famille. Henri Salvador, après, ça, j'ai 10 ans de ma vie avec lui, et j'ai écrit pour lui, et on a écrit ensemble pour le cinéma, on a écrit ensemble pour la télé, on a écrit ensemble pour Tina Arena, on a fait plein de choses ensemble, quoi. Mais comment c'est de côtoyer un homme aussi formidable, une très très belle leçon de vie, une belle leçon de vie, une belle leçon de métier. Je t'assure, aujourd'hui, je pense que si je n'avais pas eu ce parcours-là et cette rencontre-là en particulier, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Je ne ferai pas mon album, ni le deuxième, je ne monterai pas sur scène. Je lui dois beaucoup, parce que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup observé, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai vu. Enfin, c'est une vraie... J'ai pris un coup pendant 10 ans. Alors, tu lui dois beaucoup. Énormément. D'ailleurs, je lui fais sur scène, je lui fais un hommage, obligatoire. Et sur ton deuxième album, est-ce que tu vas rapprocher? Sur le deuxième album, j'aurais peut-être envie, j'avoue, en exclusivité pour vous, avoir envie de reprendre Syracuse. Ah oui. Parce que Syracuse est une très très jolie chanson d'Henri. Et Syracuse est une ville de Sicile. Donc la boucle est bouclée. Voilà, donc je vais voir. On va voir un peu avec les musiciens. Je ne sais pas si je respecte l'esprit bossa ou si j'en fais quelque chose d'un peu plus cubain, entre guillemets, qui bouge un peu plus. Je vais voir. Mais j'ai très envie. Tu peux aussi indiquer dans un style et sur scène faire autre chose. Oui, bien donc, sûr. Donc c'est ce qui va surprendre le spectateur. Oui, oui. Okay, c'est pas comme ça. Non, pas du tout. Mais ça, on est. Là, je l'ai fait sur scène, Syracuse. Je l'ai fait la semaine dernière parce que j'étais invitée à chanter Place d'Italie la semaine dernière pour la semaine italienne de Paris. Ouais. Et en fait, je l'ai faite dans la version originale d'Henri, la version jazz, puisque j'ai la chance de travailler avec les musiciens qui ont aussi travaillé avec Henri. Donc on la connaît tous par cœur. Mais je pense la faire dans une version qui est un peu plus dansante, mais suave, toujours. On va respecter l'esprit Salvador, mais quelque chose de moins lent. Je sais pas, ça va se faire en studio, au rythme de nos répétitions et de nos. Parce qu'on, on travaille pas en studio avant, nous. On arrive et on se dit 3, 4, et on voit ce qui en sort. Il n'y a pas d'écriture avant, d'arrangement, de choses comme ça, tu vois, pas du tout. Mais les chansons n'ont jamais vécu sur scène avant, donc. Exactement. Exactement, elles prennent vie là. Sur scène. Oui. Ok. Après non, après, là, sur le premier album, elles ont vraiment pris vie en studio. Oui, mais le deuxième. Le deuxième, on a déjà testé sur scène certains titres. Okay. Donc, on va pouvoir les enregistrer en studio, mais elles ne seront pas forcément les mêmes que sur la scène. Parce que ce n'est pas le même travail. Non, c'est ça. Sur scène, c'est une chose, et en studio, tu dois respecter un certain timing quand même. Tu ne vas pas faire des chansons qui durent 10 minutes. Donc, on est. C'est pas forcément la même chose. D'ailleurs, il y a des surprises. Est-ce qu'il y a des chansons que tu fais sur scène et que tu pensais à indiquer qui se sont exclues vu que le spectateur n'était pas. Non, j'ai pas eu de. Il y en a une, peut-être, mais parce qu'elle est très très italienne. Donc là, pour un public français, c'est un peu délicat. Mais c'est une magnifique chanson avec des cordes que tu écouteras sur l'album, mais qui est typiquement vitale. Donc celle-là, j'évite. Quand on a des podiums comme ça de scène extérieure, je la fais pas parce que. C'est presque une musique de film, tu vois, donc on la fait pas. De l'ambiance. Voilà, on la fait pas du tout sur scène dans ce genre de situation. Sur une scène parisienne, oui, dans un théâtre, oui, mais sur en extérieur, pas du tout. Ça s'y prête pas du tout, donc celle-là, je les dépasse. Oui. Et pour ce qui est du deuxième album, est-ce que tu veux écrire davantage? Est-ce que tu veux te laisser de la place à la création? Ou tu as demandé à part pour une chanson? J'ai demandé à Claude de me faire ce titre-là. J'ai demandé à un de mes guitaristes de travailler avec moi sur la composition. Ou de plusieurs musiques? On va essayer d'une, de voir un peu comment nous, on travaille ensemble. C'est ça aussi, tu vois. Parce que lui, il travaille avec Marc Lavoine, avec Benabar. Il a un autre esprit musical que le mien. Et c'est bien d'avoir des rencontres musicales comme pour ça. Pour mixer tout ça. Pour mixer un peu tout ça, parce que j'ai une idée bien précise de ce que je veux faire. Donc, on est d'accord sur le principe. Et je pense qu'il y a d'autres titres, c'est pareil, que j'ai en tête. Et là, ça va être collégial. Et je demande à tous mes musiciens de le faire avec moi, en fait. Parce que j'ai besoin de cette énergie-là. Parce que je vais pas, moi, je joue pas de guitare et je vais pas forcément avoir le bon riff, tu Donc, vois. Donc, en studio, tu veux que tout le monde soit là. Exactement. Pour créer c'est un vrai. Oui, tout à fait. Et même avec les choristes, on travaille, tu veux que je te dise. C'est comme Drell le faisait. Exactement. Sur un des titres que j'ai repris, et ça, je laisse la surprise. Excusez-moi, je peux avoir une orange pressée? Oui, bonjour madame. Bonjour. sur un des titres que je reprends, j'ai laissé de la place au choriste. Il fait lui un gimmick dans son coin, mais c'est sa patte à lui en fait. Okay. Donc je fais vraiment très collégial. C'est pas que mon album, c'est l'album de tout le monde. Alors tu laisses la place à oui, je laisse. Oui. Parce que tu les connais, donc tu sais qu'ils peuvent te faire un boulot incroyable. Oui, bien sûr. Et donc ils peuvent aussi te. Déjà sur le premier album, c'était mes chansons, certes, mais quand on est rentré au studio, je me suis tue. Je n'ai rien dit pendant une semaine. Je te jure que c'est vrai. J'étais assise sur le canapé, j'écoutais, hallucinée de voir ce qui se passait. Et en fait, les chansons sont nées vraiment là, en fait. Parce que tu es derrière un piano, tu fais. Certes, tu as la mélodie et le texte, mais là, tout l'esprit musical est né là, d'un monsieur qui s'appelle Dominique Bertram, qui a pris toute la direction musicale en main. Je l'ai laissé faire, et c'était exactement dans l'esprit musical que je voulais. Donc j'ai vu, hop, la naissance des chansons. J'ai rien dit. Pendant une semaine, j'ai commencé à l'ouvrir uniquement quand il fallait chanter la semaine d'après. Travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds. Mais faut reprendre le boulot. Allez tous ensemble là. Le travail c'est la santé. Rien faire c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille qui courent sans cesse après le travail, faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Tu parles. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Maintenant, dans le plus petit village, les gens travaillent comme des sauvages, je les ai vus, pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout bas, ils sont morts. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Allez, encore une fois, bande de feignants là. Les prisonniers du boulot

la compréhension qu'ils avaient de, ah, c'est extraordinaire. De ton œuvre. Extraordinaire. D'être sur le même... Diapason. Même diapason, c'est le cas de le dire. Tu vois. Ah, oui. Donc, c'est formidable. Mais pour le deuxième, vu que l'osmose a été aussi forte, est-ce que tu les reprends pour... Les mêmes, c'est la même équipe. Okay. Parce que c'est tu exactement les mêmes. Une non. recette gagnante, hein? Non, mais moi, je suis assez fidèle sur mes amitiés, donc il n'y a pas de raison d'avoir vécu autant de choses depuis le début ensemble pour d'un seul coup se dire, tiens, je vais prendre... Ils jouent tous très bien, c'est des super pointures. Pourquoi j'irais chercher ailleurs alors que ce sont mes copains? Je ne sais pas, aller faire travailler d'autres gens sur des que je ne connais pas, va falloir encore apprendre à se connaître. Enfin, c'est pas en studio et sur scène, est-ce que c'est les mêmes? C'est les mêmes, la même équipe. Alors, ils savent très bien comment ça fonctionne, ils savent très bien comment la chanson va aller. Exactement. Donc, tu te sens à l'aise, toi, sur scène, tu peux t'amuser. Ah ben, c'est ce qui ressort beaucoup de la scène, en fait. Et tu danses aussi, parce que tu as ta formation. C'est vrai. Par exemple, tu vois, au Palace, j'avais très peur, parce que c'était ma première vraie scène, moi, toute seule, et qui est quand même une grosse scène. Et les gens qui me connaissent dans la vie m'ont dit, qui pour la première fois me voyaient sur une scène toute seule, enfin avec les musiciens, mais moi devant, m'ont dit, mais on avait l'impression d'être dans ton salon. Ah, c'est bien ça. Ce qui était plutôt... Ambiance intimiste. Voilà, mais en même temps, ça fait du bruit, hein, parce que ça joue les guitares et tout ça, mais... Donc tu les interpellais, t'allais les chercher un par un, oui. Sans le savoir. Oui, c'est ça. Donc du coup, ça s'est passé super, super bien, et les musiciens ont pris un pied énorme. Et j'ai un copain journaliste ici en France qui s'appelle Thomas Hugues, ouais. Voilà, ouais. Qui est un de mes amis. Et Thomas disait, on a senti vraiment, on a pu partager ce pied qu'ils prenaient ensemble, parce que... On s'entend bien, on sourit, on s'embrasse, c'est une grande famille, quoi. Les gens doivent sentir l'osmose. Voilà, on s'entend tellement bien. Et puis le batteur est comme mon frère. Enfin, ce sont des mecs sur lesquels je peux compter jour et nuit. Ils sont vraiment là, quoi. Disponible. Et puis je suis pas une fille avec des garçons. J'ai l'impression d'être le garçon avec d'autres garçons, en fait. Je sais pas comment te dire, tu vois. Okay. Ils ont accepté, en fait. Il n'y a pas de drague, il n'y a pas de tout ça. Fini. C'est des bons copains. Et donc, c'est du coup, je fais partie. Médecin. Ils ont leurs bonnes histoires bien graveleuses entre copains. Ouais, moi, je suis en plein milieu du chemin, j'ai les gars quand même. C'est super. C'est super c'est drôle. Pour la musique et pour servir la musique. Voilà, on est tous. On prend vraiment notre pied. Et autant, Dieu sait si c'est pas forcément simple pour des mecs comme ça qui bossent avec les plus grands de se retrouver avec moi là. Mais, et puis, je t'avoue, pas payer au même tarif que les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas gratuit, hein, mais on négocie et tout. Mais ils sont là, ils se prennent leurs pieds. Et c'est ce que tu veux aussi. Bah oui. Tu veux que moi, je veux pas de star, je veux pas de prise de tête, je veux pas que les gens aient des melons comme ça parce que ça sert à rien, on fait que de la musique. Et tu sers pas la musique en faisant ça? Non, mais moi, en même temps, on ne fait que de la musique. Moi, je suis pas en train d'ouvrir des cœurs ou réparer des vies. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, il faut. Mais t'es là pour divertir aussi, pour amener un avancement. Oui, mais il n'y a pas de raison de se prendre dans la salle. Non, j'ai aussi des gens qui. Tu es dans la variété, donc tu veux aussi t'amuser. Dans la salle, dans le public, j'ai des gens qui tapent dans les murs et qui se fatiguent au boulot. J'en ai d'autres qui sont infirmiers, j'en ai d'autres et qui ont payé leur place. Ils ont payé leur place et pourquoi on prendrait la tête parce qu'on est sur une scène? Pourquoi on serait plus. Merci beaucoup. Pourquoi on serait plus supérieur aux autres? Pas du tout. Effectivement. Aucune raison. Quoi. Ok. Donc, toi, c'est du plaisir mur à mur pour que exactement. Les gens. Exactement. Mais tu sais, si je ne connais pas. C'est un jus d'orange? Ça, c'est jus d'orange. C'est jus d'orange pressé. Ok, ah oui. Ah, c'est pour ça que tu rajoutes du sucre. Oui. Ah, moi, je suis la seule fille de Paris à ne pas faire de régime. Non, mais je vois. Non, mais parce que c'est déjà sucré. Oui, mais c'est déjà sucré. L'orange est déjà sucré. Ouais. Mais je rajoute du sucre pour le plaisir du sucre. Ah. Tu vois? Oh, oui, ça va très bien. Nice. Oui, c'est merveilleux. Ah, mais je pense que je vais laisser. Merci. Mademoiselle, est-ce que je peux prendre la même chose, s'il vous plaît? Mais pourquoi vous ne demandez pas la même chose en même temps? Mais c'est pas possible. Non, mais parce que je viens de le voir. Non, mais je l'ai vu. Vous parliez? Non, je suis visuelle. Désolée, madame. Et voilà. Et puis donc, tu prépares le deuxième album? Ouais. Donc là, on est en train de réfléchir aux chansons, on est en train de composer, on est en train d'écrire. Mais c'est tout nouveau, là, donc il n'y a pas... C'est tout nouveau, ça date, écoute, il y a une quinzaine de jours. OK. Tu vois? Alors, là, pas grand-chose. Là, surtout, avec ma majeure compagnie, on est en train de faire la vidéo de présentation qui sera mise en ligne au mois de septembre. On est en train de réfléchir déjà aux photos, voir un petit peu ce qui va se passer. Bref, il y a tout un travail de, j'allais dire de marketing. Je déteste ce mot, c'est pas du marketing, mais un travail de préparation pour tout mettre en ligne au mois de septembre. Parce pour que tu sois vu sur Internet. Tout le monde part en vacances au mois d'août. Donc, Et toi aussi? Oui, moi je pars en Espagne. Ah oui, pour relaxer un peu. Combien de temps? 3 semaines? 1 mois? 15 jours. 15 jours, OK. 15 jours en Espagne, et après, je reviens là. Es-tu constamment en demande pour plein de trucs avec des amis ou on te dit, je fais un spectacle, veux-tu venir jouer du piano, veux-tu faire les cartes? Alors, pas forcément. Okay. Pas forcément, parce que dans mes amis, j'ai des musiciens. On n'est pas dans un esprit bœuf, nous, par exemple, tu vois. Donc, ça arrive, si, ça m'arrive. Je l'ai fait, moi, pour le Palace. J'ai invité Nicole Croisy à chanter avec moi. Quelle femme, hein? Magnifique, on est devenus super copines, donc c'est formidable. Donc j'espère qu'elle va accepter de chanter sur l'album. On verra bien. Ok, oui, bah, pourquoi pas. C'est vraiment bien. Mais voilà, ça je l'ai fait. Elle le fait, elle, de son côté aussi. Ça dépend en fait, ça dépend avec qui on est. Mais je suis très concentrée. J'ai beaucoup de copains dans le théâtre aussi. Donc moi, ne jante pas la comédie. Mais on le fait déjà, c'est déjà pas mal de travail que de travailler entre nous, tu vois, donc on va pas en plus, on le fait pas, là, pas là. Je suis invitée à chanter, il y a l'arrivée du Tour de France le 21 juillet à Paris, oui. Et le 20 juillet, il y a un événement à Paris pour les Italiens, parce que les Italiens ont beaucoup compté dans le Tour de France. Donc il y a les Italiens au stade Jacques Anquetil, je crois, à Charenton. Donc là, je suis invitée, moi, à faire les interventions musicales et à faire un peu mon bazar. Tu vas chanter des titres? Non, pas mes chansons, pas mes titres à moi, des titres italiens. Des titres italiens que moi je chante, mais que les gens connaissent. Tous les volats, les gens. Exactement. Ah, c'est bien. Animation musicale, donc je suis chargée de cette chose-là le 20 juillet. Et après, on termine. Les vacances. C'est mon anniversaire. Oh, le 20 juillet? Non, le 29. Le 29, oh, ben, je vous le dis parce que j'attends les appels. Ok, oui, c'est ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ou des courriels. Voilà. Ou je pars en vacances et après on attaque septembre vraiment là dans le dur. Pour l'album. Oui. Et là, tout le monde va avoir bossé un peu, donc peut-être qu'ils vont avoir des idées à te proposer. Pour réfléchir, bien sûr. Et toi? Moi, j'ai besoin de mûrir, moi, tout ça. Es-tu dans la composition actuellement? Oui. Okay. Alors, moi, j'ai une façon de composer qui est assez particulière, parce que j'ai pas forcément besoin de mon piano. J'ai un dictaphone. Comme ça, ici, les magnétos. Exactement. Donc, sur mon dictaphone, je chante des mélodies. Et c'est une fois que j'ai mes mélodies que je me mets derrière le piano. Mais je ne me mets pas d'abord derrière le piano, et après, je fais les mélodies. Parce que je ne veux pas être piégée par des suites harmoniques. Parce que je pars du principe que la mélodie... Quand un peintre en bâtiment, il chante la mélodie d'une chanson. Il chante pas la suite harmonique. On s'en fout de la suite harmonique. Ça, c'est notre boulot de musicien après. Donc du coup, je chante des mélodies qui me plaisent après ou pas. Tu vois, je laisse mûrir. Et après, je me mets au piano. Mais pour moi, le piano, c'est secondaire. Tu vois, c'est de l'accompagnement. Donc ça n'a rien à voir. Mais toi, t'écris des textes. Les deux. Ouais. Donc c'est les mots avant ou la musique après? C'est en même temps, généralement. Okay. Je vais avoir un mot qui va me définir le thème de la chanson. Après, je vais me mettre à écrire avec la structure, les pieds et tout ça, mais généralement, ça vient en même temps. J'ai des mots, j'ai rien, j'ai un mot, j'ai rien. Ah, c'est oui, selon la sonorité. Oui, c'est selon la sonorité. Mais qu'est-ce que tu veux raconter? Alors là... Sur cet album-là, le deuxième? Alors, sur celui-là, j'ai des titres qui sont très, très perso. J'ai perdu une de mes amies, ma meilleure amie en fait, qui est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, et donc ça m'a un peu choquée. Donc je pense aussi que c'est pour ça que j'ai fait cet album, le premier, en me disant la vie est trop courte, donc faisons ce qu'on a envie de faire. Et donc j'ai une chanson qui lui est dédiée, mais je ne sais pas si je suis prête à la faire. Donc celle-là. Il y a trop d'émotions. Oui, celle-là, elle est faite déjà. Donc on va voir. Il y a une chanson que j'ai écrite pour une de mes amies qui a eu un enfant. Est-ce que je mets cette chanson-là ou pas? Ce sont des choses de femmes, en fait. Des chansons de femmes très personnelles. Voilà. Donc on va voir. On va en faire plusieurs. Et on va voir ce qui ressort, en fait. Tu vois? Je sais sur le thème, sur ce que j'ai demandé à Claude Lemel, je sais quel thème. Voilà. Il y a des chansons de femmes très personnelles. Il y a des histoires d'amitié. Et on va voir qui me ressemble le plus, en fait. Je vais essayer d'être le plus honnête possible. Je ne fais pas, encore une fois, je ne vais pas faire une chanson marketée pour faire une chanson marketée. Alors là, il n'est pas question. Il n'est pas question de faire... Voilà. Parce que je pense que c'est que comme ça que tu amènes les gens à toi et que tu partages. Bah, c'est l'intégrité. Hein. Tu vois, pourquoi je vais aller faire une chanson genre il faudrait faire un tube à la manière de... Non, il n'est pas question. Puis... Sur ce deuxième album-là, donc tu attends des paroles, tu attends aussi... est-ce que tu as proposé de la musique à certaines personnes? As-tu demandé à tes musiciens de... On en a parlé, mais comme on va le faire ensemble, je leur ai déjà indiqué quelques esprits musicaux que je voudrais. Il y a un titre, par exemple, tu vois, c'est idiot, mais je voudrais un titre avec des cuivres, parce que j'ai pour copain toute cette équipe de cuivres qui bossait avec Johnny Hallyday à une époque... quelle année, 80? Oui, qu'on voyait, tu vois, qu'on voyait sur les... Alors moi, 80, j'étais à peine née, mais qu'on voyait sur les vidéos, les derniers trucs de... À l'idée, maintenant, ils bossent avec des Américains. Ah, mais... ouais. Bref, certaines scènes où t'as vraiment... On a des super bons cuivres ici, donc pourquoi aller les chercher aux États-Unis? On les a là. Ah ouais. Donc je voudrais un titre avec des cuivres. Je ne sais pas lequel encore. Mais je veux un cuivre. Voilà, je veux un titre avec des cuivres. Alors, je suppose que je vais les caser. Donc ça les fait rire les musiciens parce que. Mais le problème, c'est que sur scène, tu ne pourras pas les avoir. Ça dépend. Ok. Peut-être. Peut-être avec un synthé. Non. Je pense que si je leur demande de venir, ils seront là. Ok. C'est à Paris. Après, toujours pareil. Plus tu as une grosse structure, si tu dois les emmener ailleurs, à droite ou à gauche, c'est plus compliqué. En revanche, à Paris, comme ce sont des copains, encore une fois, ils peuvent pas dire non. S'ils sont libres, ils vont venir le faire. J'ai pas de soucis à ce niveau-là. Je pense qu'ils seront là. Mais les gens qui se greffent à toi, c'est des gens qui ont des contrats un peu partout aussi, là. Oui. Ils sont pas centrés sur ton œuvre. Ah non, pas du tout. Alors il faut quand même que tu trouves un moment précis. Exactement, mais ils arrivent à se libérer quand même, tu vois. Donc là, par exemple, quand on a fait la mairie du 13e, là, la place d'Italie, la semaine dernière, mercredi, il fallait que ça tombe un jour où ils étaient tous libres, tu vois. Mais, oui, alors il y en avait qui avaient des séances de studio le matin, ils se sont libérés plus tôt pour être là pour les répétitions, et on avait marche, tu vois. Alors, après, j'ai des remplaçants, hein. Sur les guitares, j'en ai deux, sur les claviers, j'en ai deux. Quand tu peux pas, tu dis, hey, là-bas, la base même de l'équipe, c'est le batteur et le bassiste, eux sont là tout le temps. Okay. Mais le bassiste, c'est le bassiste qui bosse avec Croisy, qui bosse avec Jonas, qui bosse avec tout le monde, tu vois. Donc, c'est ça, si mais au même moment, Jonas doit faire un truc. Oui, mais non, c'est bon, on a les remplaçants, enfin, il y a l'équipe A et l'équipe B. Mais c'est quand même, ouais, c'est un plan A, un plan B, mais c'est une grosse structure. Là. Oui, c'est une grosse équipe. Mais ça paraît pas. Enfin, même le régisseur que j'avais sur le Palace, parce que tu as besoin d'un régisseur qui s'occupe de tout, parce que toi, moi, je me suis occupée des affiches. Ah oui? De tout, parce que tu es obligé, c'est ton image, donc tu es obligé d'aller voir un petit peu ce que sont en train de faire les graphistes. Pour pas que tu sois surprise. Il m'avait fait une affiche, une catastrophe rigolote, mais ça n'allait pas du tout par rapport à l'esprit du théâtre parisien et tout, c'était pas ça du tout. Donc il a fallu, faut suivre l'affaire. Tu vois, t'as une attachée de presse, il faut suivre l'affaire quand même. Il faut tout le temps être derrière. Donc pour les problèmes de son, d'éclairage, de ci, de ça, tous les problèmes techniques, j'ai pris un régisseur, mais qui est pareil, un copain, qui fait partie de la famille. Donc par exemple, ce régisseur-là pour la mairie du 13e, pour la fête de la place d'Italie, a régi cette histoire-là de loin. Il n'était pas disponible, il n'était pas à Paris, mais il a tout fait par coup de fil. Il était dans le sud de la France, il a tout géré quand même à distance. Donc il y a vraiment des gens sur lesquels je peux compter. Quoi. Une fois que l'album sera lancé en 2014, sans doute, oui. Il y a une tournée qui va s'enclencher. J'espère, Inch'Allah. Et, oui. Sur une route bordée d'autoroutes, il y avait des palmiers géants. Je serai là, muet, les bras tendus, la gorge reposant dans les paralysies de l'air. Un jour, à contre-jour, sous le bleu immobile des terminaisons du ciel. Dans les tourbillons d'une auto américaine, stridente et nue, noire au milieu, m'appelant de tes deux mains, enfoncée dans ton souffle. N'oublie pas, sur une route bordée d'autoroutes, il y avait des palmiers géants. Fermé des lumières d'autoroute, comme des portes vides, comme à l'entrée d'un monde immaculé, immaculé, sur une route et quoi, bordée d'autoroute, sur une route, il y avait des palmiers géants, comme des portes vides, il y avait des palmiers géants, comme à l'entrée d'un monde, fermé des lumières d'autoroute. Around on the ground, he'll be found when you're around. That cat's something I can't explain. suite à cette à ces concerts-là, est-ce que tu envisages de capter en oui. DVD pour le public qui ne pourra oui. pas se déplacer? Tout à fait. Mais j'espère pouvoir venir jouer à Montréal. Francophonie? Bien sûr, j'espère. En 2014, j'espère. En été, en juillet. Voyons. Mais pourquoi? Éventuellement, envisages-tu de capter ça oui, pour toi, pour, oui. Oui, oui, oui. Pour tes fans? Bien sûr, qu'on fasse un DVD, évidemment. C'est prévu. Pour... Ah, ok, c'est prévu. Oui, oui, oui. Ça dépend. Après, c'est toujours pareil. Après, c'est une question de... Ça, c'est... Là, pour le coup, c'est pas moi qui vais m'en occuper, mais il faut gérer tout ça. Et puis, après, c'est le montage. Enfin, mais ça, c'est prévu. Il n'y a pas de problème. Quoi. Bien sûr, évidemment. Même pour nous. Ah, oh, oui. Ne serait-ce que pour nous, quand je serai vieille. Oh, ok, oui. Montrer ça à tes enfants. Bah, tiens. Et c'est ça. Regarde Mémé, c'est qu'elle a fait Mémé. Elle pouvait danser. Aujourd'hui, la marchette, elle ne veut plus suivre. Ah, j'ai 10 questions. J'ai 10 questions. Si tu étais un liquide... Ah, c'est marrant, tu fais ça. Oui. Si tu étais un liquide, alors je vais reprendre ce que disait Claude Lemel de moi. Il disait que je serais du bon vin. Ok, blanc ou rouge? Rouge. Okay. Un bon vin italien, peut-être okay. un Montepulciano, peut-être, rouge. En même temps, il n'y a pas de blanc chez Montepulciano, mais un... Oh, oui, pour le plaisir. Oui, pour, un bon ce vin. Ce que ça suscite. Oui. L'étourdissement de l'âme. C'est ça. Si tu étais une ville... Ah, je serais Rome. Paris ou Rome, mais comme j'ai ma famille qui est à Rome, que j'adore cet endroit. Et tu en as à Montréal aussi? Ah non, à Québec. Oui, bien sûr. Oui. J'en ai aux États-Unis, j'en ai en Sicile, j'en ai partout. Les Martiniquais, on est très, très, très, on est très nombreux. Et si tu étais une langue? Une langue, parler? Dreyfus okay. a dit une langue de cochon. Parce qu'il adore le cochon. Tu connais Dreyfus? Oh, voilà. Donc, pourquoi pas? Alors, je ne serais pas une langue de bœuf, je ne serais pas tout ça parce que je déteste. Non, je pense que ce serait une langue parlée, ce serait sur l'italien. Que veux-tu dire d'autre? Certo. A voglia. Normal, hein? L'italien, évidemment. Parce que c'est ce qui est le plus... Pourtant, ma langue, la première langue que j'ai appris à parler, c'est le français, hein? Mais va comprendre comment cet italien fait vraiment partie de moi. Parles-tu une italienne? Non, mais... Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est, j'ai plus de mots italiens parfois qui me viennent. Je vais oublier le français quand je suis en Italie, que c'est pas le contraire. Enfin, je vais pas oublier l'italien quand je suis ici. Hein. Voilà. Next one? Si tu étais. Oh, c'est l'anglais aussi. Si tu étais une époque. Une époque. Hein. Alors je pense que je serais dans mon époque. Là. Tu te sens très très bien. Ouais. Oui, alors je ne suis pas d'accord sur tout, on ne va pas rentrer dans les problèmes politiques et pas, voilà, mais soit ça, soit les années 60, avec cette un peu cette légèreté, mais je nous trouve plus intelligents aujourd'hui. Enfin, moi, je dis ça, On a passé hein, les années 60, donc on est encore beaucoup plus... Enfin, j'aime bien les gens, en plus de ça, j'ai de la chance d'avoir les amis que j'avais envie d'avoir, dans le sens non pas de personnalité, mais... J'ai que des gens riches humainement autour de moi, mais je suis très contente là où je suis. Et c'est ce que tu recherches aussi, l'humanisme. Je suis très contente là où je suis. Voilà. On est toute une bande de copains quand on se déplace, on est 30, 40, et c'est drôle, sympathique, vif, il y a de l'esprit, enfin, c'est bien quoi, tu vois. Ça, c'est formidable. Si tu étais un mot. Un mot? Ah, il y en a plusieurs, alors je suis embêtée. Je pense que ce serait amour, hein. Mais amour, en, parce qu'il y a aussi, de l'amour dans l'amitié. Ouais, ouais, donc ouais, je pense ouais. que c'est ça, c'est celui-là. Si tu étais un aliment. La pasta. La pasta. Sourire ben et la oui, pasta. Ben oui, j'en ai mangé hier. Ouais. Mais non, mais parce que je ne peux pas manger. Ça me manque quand j'en ai pas. Ok. Alors, t'en manges presque au quotidien. Non, j'en mange pas au quotidien parce que sinon je vais rouler. Mais... Ah oui, c'est vrai, oui. Ah, mais tu danses, non, c'est vrai, non, mais ça fait pas de grossir tant que ça. Non, mais je mange pas de pain, donc. Si je fais, alors évidemment, comme toutes les filles en ce moment, et les tomates, et les salades, il y a un moment donné quand même, j'ai besoin de manger ces pâtes. Il n'y a rien à faire, ça fait partie de moi. Voilà. Si tu étais une saison. Ah, une saison. Je pense que je suis née en été, je pense que je serai l'été, de par la chaleur et par la luminosité, les couleurs estivales. J'aime beaucoup le printemps, parce que c'est le renouveau, les fleurs, les bourgeons, c'est ma saison préférée. Mais je pense que de par mon caractère, je pense que je serai l'été. Surtout tes chansons sont très ensoleillées. Donc, oui, il y a le côté, voilà, mais je pense que je serai l'été. Si tu étais un membre corporel. Ah, le regard, les yeux. Ok. Je crois. Pour la communion rapide. Oui. Si tu étais un moment de la journée. Alors, pas le matin, parce que même pas en rêve, à un moment de la journée... Tu te lèves quand même à 7h. Je me lève tard, je suis pas du tout lève-tôt. 11h? Oui, dans ces jours-là. Okay. Après, j'essaie de comprendre ce qui se passe. On s'est rencontrés à midi et demi, donc c'est très tôt pour toi. Non, ça va très bien, mais s'il faut, quand même, faut commencer à se lever à 7h du matin, c'est compliqué. Hein. Okay. Mais tu te couches tôt aussi avec le spectacle. Oui, ouais. Une heure de la journée... je crois que je sais pas, j'aime bien vers 4-5 heures, moi. 6 heures, lors de l'apéro, les gens sortent, c'est les sorties de bureau, c'est sympathique, ça bouge, voilà. Happy hour. Si tu étais un autre individu. Si j'étais un autre individu. Qui j'aimerais être si j'étais un autre individu? Je crois que ce serait Barbra Streisand. Pour le talent? Peut-être pas pour la personnalité, parce que je la connais pas, mais il paraît qu'elle n'est pas super sympa. Non, mais... elle même chante. C'est vrai, bon, donc, mais pour la qualité vocale de cette femme et la musicalité, enfin, elle fait vraiment, c'est un vrai instrument de musique, quoi. Ouais. Je crois pas qu'il y ait meilleur, en fait, si on cherche bien. Donc c'est pour cette qualité musicale. Ouais. Après, il y a Mère Teresa, pour ses qualités de cœur, mais... Même si ça a été revu récemment, là, qu'elle était possible. Oui, bien sûr. Enfin, on n'est que des humains en même temps. Hein. Oh, ouais. Voilà. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Oui, je pense. Et je crois qu'il n'y a pas de... Tu sais, j'ai eu l'occasion de faire des disques plus tôt. J'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres gens qui paraissaient être plus en haut de l'affiche, tu vois, l'espèce de superstar. J'ai refusé parce que je ne le sentais pas. Je ne peux pas t'expliquer. Ce truc où tu te dis, ça ne va pas me plaire, je vais m'énerver parce que je n'ai pas forcément... Enfin, c'est pas un mauvais caractère, mais je ne me laisse pas faire. Donc on sait tout de suite si ça va ou si ça va pas. Je ne fais pas de... De demi-mesure. Non. Donc même après Salvador, on m'a demandé de travailler avec certaines personnes. J'ai refusé parce que quand on travaille avec Henri, sortir de cette histoire-là, c'est très compliqué parce qu'on a quand même à faire une pointure, mais humainement. Incroyable. Moi, ça s'est super bien passé. Donc, comment tu vas faire après pour accompagner les petits jeunes là qui débarquent? Enfin, au bout d'un moment, je préfère. Dans ces cas-là, si je ne vis pas de mon métier, si je ne fais pas ce que j'ai envie de faire avec plaisir, je préfère changer de métier. Ouais. Oh oui. Je le dis souvent en rigolant, si ça ne marche pas et si je ne fais pas ce que j'ai envie de faire, non pas pour des raisons d'argent encore une fois, mais si je n'ai pas cette osmose avec mes musiciens, avec le public... Quand le plaisir commence à se pointer, tu quand il n'y a plus de plaisir, tu fais autre chose. Tu débats. Mais tu vois, qu'est-ce que je vais faire, la vieille chanteuse ou le vieux truc qui dit « Madonna, Santo Dio, que Dieu me préserve ». Quoique à la fin, on vient voir la vieille chanteuse comme le chantait... Au secours, hein. Serge Lamas, la chanteuse à 20 ans. Non, mais tu vois, ouais. C'est genre, j'ai été machin et j'ai fait... Oui, très bien, mais à un moment donné... Non, je suis pas du tout dans cet esprit-là. Mais avant que Henri meure, est-ce qu'il y avait beaucoup de contrats ou... Contrôle de sa santé? Non, ouais, mais avant qu'il nous quitte, est-ce qu'il y avait déjà des contrats? Parce qu'il avait déjà fait... Alors, la date, je vais pas m'en souvenir, mais c'était en... Alors, attends, 2003, 2004... Dans ces eaux-là, il avait déjà fait un infarctus. Donc, moi, je me souviens, on avait été en tournée au Japon. On était à Tokyo, à un dîner, et à 20h, il s'endormait, tu sais, sur son assiette. Et quand les gens s'endorment comme ça à un certain âge, on sait très bien que c'est un problème de cœur, généralement. Donc, là, je me suis dit, mauvais temps. Et il s'avère que je connais très, très bien son médecin, qui est le mien, qui est juste en bas d'ici, et qui habite à 2 minutes de là. Et je dis à son toubib, tu sais, Henri dort, s'endort, et c'est... Ça m'ennuie, quoi. Donc, ça ne fait pas. Ça, voilà. Et en fait, il a fait un infarctus dans le sud de la France, dans sa maison dans le sud. On lui a posé un pacemaker. Et voilà, donc ça, c'était la première alerte. Après, il était suivi tout le temps, mais on savait que la tuyauterie était un peu vieillissante, mais ce qui est en même temps normal, hein. Pas non plus ça. Et, mais malheureusement, sur la fin, je le voyais, moi, n'allant pas très bien. Tu sais, ces teints qui commencent à être cireux, qui sont Ouais. Et il commençait à appeler sa femme Catherine, il commençait à l'appeler Jacqueline du nom de son ex-femme, le plus grand amour de sa vie, qui était décédée. Et j'ai dit là, mauvais temps, et je sentais que ça allait arriver. Quoi. Et j'avais tiré la sonnette d'alarme auprès de tout le monde d'ailleurs, mais il était... Au tournoi, aux gens qui... Tout le monde. Okay. Tout le monde. Attention. Mais non, il va bien. Oui, très bien, ok. Mais moi, le voyant tous les jours, mais ne vivant pas avec lui, parce qu'il y a quand même ce recul quand même là, tu vois. Tu disais, tiens, il y a un truc qui va pas. Mais bon, voilà, il est décédé comme il voulait, en 10 minutes de temps. Il est décédé chez lui. La veille, il se faisait un bon gueuleton avec son toubib, justement, à côté de l'Olympia. Okay. Oui. Et voilà, quoi. Il a eu la vie qu'il voulait, Henri. Hein. Il a eu une vie merveilleuse. Mais les contrats étaient déjà... Il avait encore des contrats de spectacle. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est pas facile. Non. Non, non, il devait encore jouer. Oui, ça c'est sûr, il y a une tournée qui était prévue, mais bon. Moi, et comment on s'en sort aujourd'hui? Toi, personnellement? Là, aujourd'hui, ça va, là, mais quand ça s'est passé? Ben, écoute, tu me dis être zen, mais comme je me préparais psychologiquement à tout ça, j'ai appris la nouvelle, ça m'a un peu fait quelque chose de normal, parce que c'est quelqu'un que je voyais tous les jours, avec lequel j'étais tout le temps. C'est un bon comme ça, un ami. Quelqu'un de très proche, mais malheureusement, j'avais un arrière-grand-père, moi, qui me disait, italien, qui me disait, ma de toute façon, on est né pour faire un mort. Moi, j'ai grandi avec cette philosophie-là, où je sais que c'est très dur, parce que je dis, moi, j'ai perdu pas mal de copains déjà, assez jeunes, et ma meilleure amie d'une autre d'anévrisme. Malheureusement, on est comme une fleur, tu sais. Oh oui. On pousse, hein, on fane, terminé. Qu'est-ce que tu veux faire? Je peux pas. C'est triste, mais c'est 90. Il est décédé à 90 ans. Il a eu une vie magnifique. Il a eu le décès qu'il voulait, entre guillemets, parce qu'il voulait pas finir dans une maison. Un moment de retraite, puis venir. Voilà. Et en même temps, quand je me suis retrouvée, je suis partie tout de suite, évidemment, quand j'ai appris la nouvelle, je suis venue chez lui, place Vendôme, donc il était là. D'ailleurs, je lui ai parlé, je lui ai dit, Riton, c'est pas rigolo, là, ce que tu fais. Mais c'était extrêmement zen, cet endroit. Je sais pas comment t'expliquer. J'avais l'impression de l'entendre rire en disant... Et en même temps, il n'y avait pas de... C'était super calme. C'était serein. Très serein, tu vois. Voilà, après... Malheureusement, moi, j'y pense tous les jours. Il n'y a pas un jour qui se passe sans que j'y pense. C'est tout à fait normal. Sauf que tu as l'impression qu'il est là. Oui, je parle et tout. Il est derrière toi. Moi, je parle aux morts, alors faut pas s'inquiéter. Mais ça fait partie de notre vie aussi. On est plus morts que vivants, non? Ou c'est moi qui ai... Les gens ont pu trépasser qui sont... Tu vois, donc... Voilà, c'est... Fermer les yeux des gens, c'est très triste, c'est très douloureux, mais... On est obligé, tu peux rien faire. Il y a bien un truc contre lequel on peut rien faire. Autant contre les guerres, la famine, la pauvreté, on pourrait éventuellement faire quelque chose si tout le monde se bougeait, mais contre la mort, on ne peut rien faire. Effectivement. Mais on est pour mourir aussi. Ben oui. Alors, bien, Lydia, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Et on se verra à Québec, à Montréal. Avec grand plaisir. Moi, j'aime beaucoup venir chez vous, mes enfants. Je vous le dis tout de suite. Hein. J'adore. Je ne me fais pas prier deux fois. Hein. Écoute, puis un deuxième album à suite de près sur Internet. Je te tiens au courant de surtout, je te dis tout. Et donc, oui, d'accord. Donc, c'est une histoire à suivre. Oui. Il y a trois points de suspension. Oui, une très belle histoire. Et puis, bonnes vacances. Hein. Et puis, bonnes vacances. Et puis, à très, très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, monsieur le directeur. Au revoir. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui court, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Et si tu l'envoierais, crèterais. Io lo so perché tu la fede non hai. Ma se tu l'envoierais, crèterais. Non devi odiare il sole. Ma c'è ora splende su di noi, dal castello del silenzio, e li vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai. Si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris,